Le bruit du tourne-disque nous extirpe d'une torpeur ouateuse. Alors que le disque commence à ronronner, une légère brume envahit l'atmosphère. Un coup de pied dans la réalité, nous remontons à la surface. Une seule et unique note de musique et nous rentrons dans le rêve. Semble si différent et pourtant rien n'a changé. Non, rien n'a changé. Les mêmes murs, le même ciel, la même terre, identique, tout pareil. Une seule chose semble différente et pourtant tout a changé, changé. Plus de hier, tout s'est transformé en sa vérité. Les années 60 apparaissent devant nous quand résonne une mélodie, un rythme effréné, un piano, un cœur, une voix. Sont étalés devant nos yeux quand retentit un cri, un accord, une parole. Oh yeah, oh les années 80 nous sonnent soudain au cou, avec ses synthés, ses basses et ses lignes de batterie. Mais quand arrivent les années 90, plus rien de nouveau. Souffle, notre attention se retire. Laissez le sens s'imposer à vous.